7 et 28 octobre à la chapelle du Musée de l'Amérique francophone. Pour ce passage du livre à la scène, l'auteur Anaïs Barbeau-Lavalette sera avec son amie l'actrice Catherine Deléant. Accompagnée de musiciens, elles liront de larges extraits du magnifique récit de la vie de cette mère et grand-mère disparue. Festival Québec en toutes lettres, Écrire Québec, du 21 au 29 octobre. Ce soir, à l'aérospatiale, Paula Murray au Centre Materia, Joan Mitchell et Jean-Paul Riopel au Musée national des beaux-arts du Québec et une rencontre avec l'artiste Sarah Thibault. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Carreau en votre compagnie pour cette émission du 10 octobre. Et je suis très heureuse d'être parmi vous toujours cette semaine à parler d'art visuel parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de choses qui se passent encore une fois cette semaine. Vous le constaterez notamment avec notre agenda de la semaine. Mais on a une émission assez variée, si je peux dire, dans termes de médiums. Autant on va avoir des métiers d'art comme on va avoir aussi ce soir de l'art moderne. Et également de l'art très, très contemporain aussi, mais qui touche à des sujets un peu plus anciens. Donc, on va commencer notre émission dans la première moitié avec Anne-Sophie Homère qui va nous parler de cette magnifique exposition « Compassion » de Paula Murray qui est présentement au Centre Materia. Donc, une artiste qu'il faut découvrir si vous ne la connaissez pas. On va discuter de ça avec elle plus en profondeur dans quelques minutes. Sinon, par la suite, je recevrai Julien Saint-Georges Tremblay qui va venir nous présenter en primeur cette exposition Mitchell Riopel, un couple dans la démesure, qui prendra l'affiche cette semaine, donc plus officiellement ce jeudi, vernissage ce mercredi soir, mais ce jeudi officiellement ouverte au public. Et c'est vraiment une exposition, je pense, qui va être un incontournable cet automne à aller voir deux grands artistes, il faut le dire, de la modernité artistique. Riopel, bien sûr, qu'on connaît, mais Joan Mitchell, qui a été sa partenaire pendant un peu plus de 25 ans, dont un quart de siècle quand même, et est une artiste américaine qui était parmi le groupe l'abstraction, bien sûr, l'expressionnisme abstrait américain. Donc, on va parler de tout ça tout à l'heure, de cette relation au travers de leur œuvre avec Julien Saint-Georges Tremblay tout à l'heure. Et on va recevoir une jeune artiste, Sarah Thibault, qui a eu cet automne un doublé d'exposition, toujours en cours à regard, Embourgeoiser le paysage, mais qui avait aussi une exposition à espace parenthèse qui s'est terminée ce vendredi dernier. Donc, elle va être avec nous, pour la deuxième moitié d'émission. On va parler de ces deux expositions où on peut y faire quand même certains liens, mais on va en profiter aussi pour découvrir sa pratique artistique, une jeune artiste qui a une formation en sculpture, mais aussi en joaillerie. Donc, on va voir comment tout ça s'influence aussi au travers dans son travail. Donc, ne manquez pas ça en deuxième moitié. Et comme je disais, on va avoir tout un agenda de la semaine, en tout cas particulièrement un gros vendredi soir. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour connaître tous les détails là-dessus. Alors, on s'en va écouter cette semaine une sélection audio toujours de Simon Roy. C'est un artiste espagnol, Aitana, 77, donc un artiste qui provient de Castellón de la Plana. Il nous présente un album de Dry Flowers numéro 2. Et c'est un album qui est paru cette année, donc un peu plus tôt en 2017. On va découvrir donc un premier titre, Provided By. If you don't like a product, if you think a product is being unfair or inaccurate, don't buy it. Tell your friends not to buy it. Independent action is much stronger than you could even begin to realize. Alors, Anne-Sophie Homère, bonsoir. Bonsoir, Audrey. Alors, je t'avais envoyée en mission pour aller voir cette exposition de Paula Murray qui est présentée à Materia, donc qui s'intitule « Compassion ». Et je pense que tu y as fait très belle découverte. Oh oui. Écoute, mission accomplie, Audrey. Et merci pour justement celle-ci parce que c'était une vraie belle découverte. Donc, Paula Murray nous présente « Compassion ». Donc c'est une artiste qui est née et qui a grandi à Ottawa, qui a toujours eu un intérêt pour la relation entre l'esprit et le corps. Et d'abord, c'est une personne qui s'est intéressée aux sciences. Donc elle a d'abord étudié les sciences à l'Université d'Ottawa. Puis, on va dire plutôt un hobby s'est développé chez elle. C'est grâce à son intérêt pour l'argile. Et là, elle a décidé de changer de voie. Donc désormais, elle vit plutôt autour du lac Mitch, qui est cette fois au Québec. Et grâce à son amour pour la nature, elle a pu ainsi développer sa pratique. C'est une artiste qui est actuellement très présente à l'international. Donc elle a fait des expositions en Italie, en Corée, en Roumanie, aux États-Unis, mais on la voit quand même beaucoup trop peu, à mon goût, au Québec. Oui. Puis elle a reçu d'ailleurs de très belles distinctions les dernières années. Oui, aussi, vraiment. Là, je vois ici prix du travail de l'année du Conseil des arts et des lettres du Québec pour une exposition Connexion. Et prix de l'artiste de l'année de la Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais, quand oui, même. Oui, vraiment, vraiment. C'est une excellente artiste. En plus, avec un art quand même super particulier qu'elle manie d'une façon majestueuse. Enfin, je vais vous parler d'une... Mais justement, parle-nous de sa pratique, mais aussi de ses magnifiques pièces sont présentées. Voilà, moi, quand je suis arrivée à Materia, je me suis tout de suite dirigée vers You Are Me. Alors, You Are Me, c'est pour moi la pièce maîtresse de l'œuvre. Je vais vous expliquer pourquoi... l'historique, on va dire, de cette pièce, c'est en fait la belle-sœur de Paula Murray qui est malade d'une sclérose en plaques et un jour elle a fait une pneumonie et elle pensait vraiment mourir. Et donc elle a confié à Paula l'idée de dire « Écoute, moi je suis malade et je voudrais qu'en fait tu sois moi et que tu prennes en charge mes enfants s'il m'arrive quelque chose. » Donc c'est... Je préviens, quand on visite l'exposition, c'est hyper émotionnel. On a on a tout de suite la poulette, les poils des bras qui deviennent fous. Et Donc, elle a réalisé finalement, dans des moules en plâtre, elle y a versé de la barbotine d'argile, elle a mélangé de la fibre de verre, elle a reversé de la barbotine d'argile et elle a fait sécher ces pièces. Et en fait, en séchant, ces pièces ont fait des craquelures partout. Mm-hmm. Entre les 2, 3, 4 cuissons, elle y a associé de l'argile colorée. Mmh. Et finalement, tout ça en séchant nous donne vraiment une impression de peau, de veine. Quand on s'approche, on voit vraiment la structure comme le dessus d'une main, avec finalement la couleur de la peau, avec les veines qui se tracent là-dessus. Et finalement, on ressent vraiment cet aspect quasi humain des blessures mmh. qu'on peut avoir chacun, mais finalement on reste entier malgré nos fissures, on est fragile mais on reste entier. Et vraiment il y a un côté très émotionnel, comme je le disais, dans la fragilité de ces pièces ici. Et c'est il y en a combien, il y en a 7 ou 8 des pièces comme ça en argile. Elles sont présentées sur un cercle et on dirait des bandages qui relient ce cercle. Et finalement on est encore une fois sur le soin, sur le maintien de la blessure, mais qui nous tiennent. Et tout ça s'est présenté sur un cercle, et ce cercle nous parle un peu du cercle de la vie, de la famille, mm-hmm. de l'entraide. Voilà, donc ça c'est un peu l'historique de la pièce, mais après chacun son interprétation. Bien sûr, mais effectivement, on le sent qu'il y a, tu l'as très bien souligné, une fragilité, une vulnérabilité, mais oui. malgré mm-hmm. tout, ça tient tout ça en place. Oui, ça tient. C'est précaire, mais mm-hmm. ça tient. Et c'est ça aussi qui l'intéresse beaucoup, ce rapport à la vie, aux mm-hmm. blessures qui nous composent en tant qu'être humain et qui nous forment, qui nous brisent à certains moments aussi, mais qu'on arrive à recoller les morceaux malgré tout. C'est un peu ça qui, je trouve, qui transparaît beaucoup au travers de ça. Il y a cette vulnérabilité, fragilité de, mm-hmm. à la fois de la pièce, mais qui témoigne par ses rapports mmh. à l'homme aussi, de nous oui. également, qu'on n'est pas oui. finalement invincible, non, en quelque tout à sorte. Fait. Oui, vraiment une sensibilité, une fragilité dans cette pièce-là, moi, qui m'a vraiment émue. Je vous le conseille vraiment. Les autres pièces sont très très belles, mais celle-ci va forcément attirer votre attention. Oui. Puis on mure aussi une série oui. d'œuvres murales qui, moi, m'ont fait penser beaucoup à quelque chose d'organique. Oui. Un peu comme du boulot. Hein, oui, c'est vrai. C'est qu'on retrouve dans la forêt. Qu'on retrouve dans la forêt qui se viennent toutes tortueuses un peu aussi comme ça, mais en même temps en forme allongée de. Oui. Comme de oui, c'est pas un récipient, mais je sais pas trop comment le dire. De feuilles aussi, comme à l'automne, quand mm-hmm. les feuilles se mettent à sécher, qui sont tombées, qui sèchent, oui. elles viennent à avoir une torsion. Il y a quelque mm-hmm. chose de ça aussi, de très naturel, d'organique dans ce travail-là, en plus du rapport à l'humain, oui. au corps aussi, oui. qui est très, très présent. Et vraiment, alors, cette pièce-là, notamment, s'appelle Passage. Et moi, elle m'a fait penser effectivement au boulot, mais également à des embarcations. J'ai pensé à des embarcations qu'on pourrait, tu sais, utiliser pour traverser. Mm-hmm. Pour, oui, exact. Et comme malgré les canaux, le côté hyper ouais. fragile, enfin, de nouveau, on est dans l'actualité, hein, mm-hmm. Avec tout ce qu'on peut entendre en immigration, et c'est, enfin, ça va loin des fois dans la pensée de chacun. Mm-hmm. Hein, exact. Mais, oui, mais c'est vrai, ça fait penser aussi. Je parlais de boulot, mais tu parles de canaux, on pense mm-hmm. aux Autochtones aussi. Oui, vraiment. À l'époque, avec ces canaux. Canaux, d'écorce oui. de bouleau aussi. Il y a ça qui peut nous revenir, mais reste quand même qu'il y a une certaine sensualité. Tu l'as mm-hmm. souligné, le rapport à la peau oui. aussi. Et autant dans cette pièce Passage que dans la précédente dont tu nous parlais, il y a ce rapport à la peau qui est vraiment, moi je trouve, fascinant, qui ajoute vraiment une sensualité mm-hmm. aussi de la matière qui est là. C'est fantastique. Vraiment. On a tellement envie de toucher en plus. Oui, tu sais, c'est beau, t'as envie de toucher finalement ces peaux d'argile, ouais, ça marche très bien. Oui, puis on se parlait un petit peu avant d'entrer en onde aussi du rapport à la lumière, hein, comment oui. la lumière se reflète dans ces pièces-là, parce que mm-hmm. souvent on pense métier d'art, on pense une laque qui est très reluisante, mm-hmm. très lustrée, alors qu'ici on est vraiment dans le côté très très mat aussi, oui. fait que c'est intéressant aussi oui. ce fini, cette cette texture que ça vient créer aussi. Encore plus naturel. Oui, plus naturel, plus lisse également aussi. Et la manière comment la lumière aussi, il faut le dire quand même, est assez théâtrale, mais en même temps, tout intime aussi. Là. Oui. On est dans, je dis théâtral, mais pas par la grandiloquence, mais plutôt par cette volonté de fixer un objet, en quelque sorte. Mais il y a quelque chose de très, très intime, très personnel qui ressort tout aussi à fait. De cet éclairage également. Oui, vraiment. Et il y a une autre pièce dont je voulais vous parler, oui. Peut-être plus rapidement, mais c'est donc comme les rouleaux de passage qu'on voit comme ces écorces de bouleau, on en a d'autres qui sont roulés un peu comme des papyrus et qui forment une sorte de pont et qui relie un point A à un point B. Et finalement, celle-ci est plutôt... c'est la transmission de la connaissance du message, donc d'une personne à une autre. Et puis on voit que on voit ce pont, mais en dessous il y a ces débris de papyrus sur des petits tas gris. C'est un petit peu finalement les informations qu'on peut perdre en route dans le message même. C'est-à-dire qu'effectivement, de ces beaux papyrus en sont tombés certains au sol, et puis on en a perdu au final l'essence au cours de l'histoire qu'on raconte. Et je trouve ça également très poétique, mais en même temps très actuel, cette histoire de transmission de messages avec les bruits dans la transmission, avec les impossibilités parfois, et puis de les retrouver comme ça jonchés au sol, c'était assez intéressant. Et puis cette idée de papyrus d'histoire. Et également très présente avec une autre œuvre qu'elle appelle Sanctuaire, qu'on retrouve posée contre un mur, avec cet ensemble de papyrus qui rassemble la connaissance plus facilement. Oui. Eh bien, vraiment une exposition qu'il faut vraiment aller voir, qui est présentée jusqu'au 22 octobre. C'est ça. On a encore un petit moment pour aller l'apprécier. Oui. Et vraiment, ça vaut le détour parce qu'on le voit, elle maîtrise très, très bien sa matière, son médium, et vraiment à découvrir. Tout à fait. Merci, Audrey. Ben, merci à toi, Anne-Sophie. Alors, on s'en va écouter une autre pièce, et cette fois-ci, c'est fortepiano. Alors, Julien Saint-Georges, bonsoir. Bonsoir, vous deux. Alors, tu es... En fait, je l'ai dit d'entrée de jeu, on a une petite primeur, en quelque sorte, à l'aérospatiale. On se permet de parler de cette exposition. Mitchell Riopel, un couple dans la démesure, qui va ouvrir ses portes cette semaine. C'est ça, demain, en fait. Oui, c'est ça, donc vernissage demain. Mais on avait envie quand même de faire une présentation de cette exposition-là. Peut-être même qu'on y reviendra plus en profondeur plus tard aussi, mais au moins pour voir qu'est-ce qui nous attend, parce que, comme je soulignais d'entrée de jeu, ça va être, je pense, vraiment un incontournable à aller voir cet automne, cette exposition-là. Deux artistes majeurs de la modernité artistique québécoise et américaine qui se sont fréquentés, fréquentés étant un grand mot, hein, qui se sont, on va dire, qui ont été un couple, une relation pendant 25 ans. Alors, voilà, donc une exposition qui va réunir même 60 œuvres des artistes où on va pouvoir discuter un peu de leur... des ponts entre leur art, mais aussi des éléments qui les distinguent, les distinguent, bien sûr. Donc, je te laisse nous parler un petit peu de cette exposition. C'est une très belle entrée en matière. C'est vraiment, je pense, un événement, premièrement historique, parce que ces deux artistes-là n'ont jamais été présentés ensemble de manière... ils ont déjà exposé dans les mêmes expositions, dans les mêmes galeries, admettons, dans des événements, mais des événements collectifs. Donc, ils n'étaient pas en duo, ils n'étaient pas présentés Michel Riopel, justement. Exact. Donc là, c'est la première fois qu'on les voit ensemble. Puis, premièrement, ça vient des deux artistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas nécessairement être associés l'un à l'autre, même s'ils étaient en couple. Ils ne se le cachaient pas, ils ne cachaient pas au public qu'ils étaient un couple. Mais c'était bien évident pour eux autres que je fais ma pratique, tu fais la tienne, et c'est même très différent de la manière qu'ils le présentaient. Oui. Pendant toute leur relation, même, ils vont avoir chacun leur atelier. C'est-à-dire, même quand ils vont travailler ensemble, qu'ils vont rester ensemble à Paris, et même en banlieue parisienne, ils vont toujours avoir un atelier séparé. Donc, tu es vraiment dans cette idée-là de s'affirmer l'un et l'autre. Pour Riopel, je ne vais pas faire la description de Riopel parce que je pense qu'on en a déjà beaucoup entendu parler. Peut-être pour Mitchell, par exemple, juste donner un petit point d'ordre, peut-être. Oui, bien sûr, nous la présenter, exactement. Puis c'est un peu l'inverse pour le public américain qui connaît peut-être moins Riopel. Mais Joan Mitchell, ici, à ne pas confondre avec Joni Mitchell, la musicienne, souvent plusieurs personnes font l'erreur. Joan Mitchell, donc une artiste américaine très importante de l'expressionnisme abstrait. Tout à fait, exactement. Donc elle va être vraiment dans la deuxième génération. Donc elle va arriver à peu près au début des années 50 à New York. Va se faire énormément influencer par Willem de Kooning, Achille Gorky également. Donc, ça va être les deux principales influences sur son style, on pourrait dire. Puis, c'est en arrivant à Paris que là, on va comme vraiment prendre peut-être une autre tangente. C'est un peu à partir de ce moment-là que l'exposition débute. C'est-à-dire, il y a une petite introduction des deux artistes avant leur rencontre. Leur rencontre se fait en 1955. Il va être, comme tu l'as dit, à peu près 25 ans, donc jusqu'en 1979 environ, la rupture. Et c'est ça, l'exposition va vraiment prendre étape par étape, c'est-à-dire la rencontre, première section d'expo, deuxième section, leur premier appartement, rue Frémicourt. Après, ça va être la maison à Vétheuil, donc en banlieue parisienne, 65 km, là où Monet, d'ailleurs, va avoir eu une maison. Avant Giverny. OK. Et donc, la dernière section, c'est vraiment la rupture, plutôt l'éloignement. Parce que à partir de la maison à Vétheuil, Riopel va passer beaucoup de temps au Canada. Va aller chasser l'homme des bois. Les Laugrues, les Lausois, où il va avoir atelier et résidence. C'est ça, exact. Puis ça peut, après, à partir de ce moment-là, des années 70, que là, la distance va se créer, on pourrait dire, au niveau du couple, en tout cas, la relation personnelle. Puis aussi au niveau esthétique, Riopel va revenir à quelque chose de peut-être plus figuratif, tandis que Mitchell va vraiment rester dans l'abstraction tout au long de sa carrière. Malgré que, d'ailleurs, on l'aborde, l'idée de l'abstraction, c'est essentiel à toute l'expo, parce que les deux sont des grands représentants de l'expressionnisme abstrait, québécois pour Riopel, américain pour Mitchell, mais les deux vont toujours revendiquer une non-figuration. On en parle, d'ailleurs, si vous venez faire les visites ou si vous venez lire les textes, on va essayer de clarifier tout ça. Oui, parce que c'est important de le dire, parce que pour Riopel, il y avait tout de même des éléments reliés à la nature dans son travail, même si pour le commun des mortels, on n'y voit qu'un travail de matière picturale, des jeux de couleurs. Il y avait toujours une référence à la nature pour Riopel. On voyait toujours, comme tu dis, la nature, le réel. Il y avait une inspiration qui venait du quotidien, puis... Lui, dans le fond, ce qu'il faisait en peinture, c'est qu'il la traduisait, il l'exprimait comme ça. Ça va être le même procédé pour Mitchell, finalement, qu'elle va utiliser. Donc, le souvenir, l'émotion va être très importante pour les deux artistes. Puis Mitchell, en fait, ben, en tout cas, moi, personnellement, je la découvre. Mm-hmm. Peut-être plusieurs, comme plusieurs visiteurs qui vont venir voir au musée. Mais je trouve qu'elle a vraiment une profondeur très intéressante. Oui. Un sentiment de l'équilibre beaucoup plus présent que Riopelle. Riopelle est très bon en structure, mettons, notamment dans la période de la mosaïque, mm-hmm. Qui est dans les années 50. Ouais. Mais Mitchell va arriver vraiment, notamment après les années 60, vous allez voir, c'est plus dans la fin de l'exposition. Mais il y a quelque chose de, oui, encore de l'expressionnisme, très dynamique, là, beaucoup de gestes, mais on dirait qu'il y a quelque chose de plus minimaliste, tranquillement, qui reste dans l'abstraction, mais des masses de couleurs très enveloppantes. Notamment, je parle d'un tableau qui va vraiment retenir l'attention, je pense, de tout le monde. C'est Chasse interdite de Mitchell, qui mm-hmm. mesure... ça, c'est un grand format. Là, vous allez voir la démesure aussi des salles, finalement. Oui, exactement. De la sonde, le grand format de Chasse interdite, je pense que c'est 7 mètres de long, oui. environ. Donc, c'est vraiment c'est un mur. Là, mm-hmm. On sent vraiment plongé, on dirait un paysage aussi. Oui, et puis j'ai justement entendu Michel Martin, qui est le commissaire de cette exposition-là, dire que Mitchell a très souvent travaillé dans des petits ateliers, donc oui. elle n'avait jamais de vue d'ensemble non. de son travail, notamment pour des pièces assez immenses comme celle-ci. Puis, c'est ça, Chasse interdite, justement, elle ne va jamais l'avoir vue au complet. Avant de l'exposer. C'est ça. Et on va devoir conclure bientôt, mais c'est quand même important de rappeler aussi qu'après leur rupture, ils vont quand même continuer, je pense, à communiquer ensemble. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut souligner, hein, peut-être que les auditeurs ne sont pas au courant, mais le testament artistique de Riopelle, comme plusieurs l'appellent, là, l'hommage à Rosa Luxembourg, est en fait un hommage à Joan Mitchell. Lorsque Riopelle apprend la mort de Joan Mitchell en 1992, il se rue dans la création de cet énorme tableau. C'est un triptyque en trois parties qui fait tout près de 35 mètres de long quand même. Exactement. Et qu'on peut admirer au musée, justement, là, dans le passage. Comme la pièce qui vient conclure finalement l'exposition. Exact. Parce que c'est ça, on l'a depuis le musée, là, depuis longtemps, cette œuvre-là. Donc, elle fait vraiment, comme tu dis, l'espèce de testament aussi de Riopelle, mais de Mitchell en même temps. Il y a vraiment c'est comme ça, de leur relation qui vient sceller, si on peut dire, tout ça ici, et puis qui est un tableau qui émouvoit beaucoup de gens aussi, hein, vraiment. C'est une exposition qui va être à voir. Je pense que ce serait intéressant, c'est ça, de peut-être quelqu'un qui vienne faire la critique, admettons, ou son appréciation là, des toiles. Je pense que ça va valoir la peine. Ben déjà là, tu nous en as dit assez pour titiller notre curiosité. Véritablement, j'ai hâte de voir Joan Mitchell, justement. De voir, c'est comme on le disait, hein, parce que même si on est dans le non-figuratif, chacun va avoir leur style et de voir aussi comment tout ça se reflète, ses rapports aussi, ses connexions, oui, parce que ça. Je pense qu'à un moment donné, Riopelle disait « je fais du Mitchell dans oui, certaines c'est gouaches ». Oui, exactement. Mais en même temps, on a cette différence entre les deux. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. Ça va être vraiment intéressant parce qu'on le voit visuellement. C'est ça qui est intéressant. Il y a comme, oui, il y a une idée, il y a une idéologie que Martin amène, là, c'est-à-dire un discours. Mais puisqu'on on met les tableaux face à face, on les fait se rencontrer, okay. La scénographie est là pour appuyer le propos encore plus. Exactement, complètement. Là. Pas besoin non plus d'y réfléchir tant que ça au discours. On fait juste regarder. Mm-hmm. Puis là, ah mon Dieu, mais il y a deux triptyques qui se répondent. Là, c'est la même année qu'ils ont produite, pratiquement le même format, des couleurs qui se ressemblent aussi, s'agencent pratiquement. Donc, même un rapport au même souvenir. En tout cas, j'en dis pas plus, là, mais on sent vraiment qu'il y a un dialogue qui se crée. Fait que je vous invite à aller voir ça. Eh bien là, Julien, ça y est, j'ai trop hâte. J'ai vraiment déjà qu'on était conquis par Paula Murray, ben là, on l'est tout autant avec cette nouvelle exposition Mitchell Riopelle, un couple dans la démesure qui va commencer ouvrir ce jeudi plutôt, plus officiellement, et mercredi soir, le vernissage. Et on n'a pas le temps d'en parler, mais il faut souligner aussi le catalogue de l'exposition qui va être une référence aussi, une très, très, très richement commenté, si je peux dire. On va nous donner beaucoup de détails, mais aussi sur le plan visuel, fort, fort pertinent. Alors, des superbes reproductions. À découvrir. Ben, Julien Saint-Georges Tremblay, merci beaucoup. Merci à toi, Audrey. D'avoir présenté cette exposition-là. Alors, nous, on vous retrouve de l'autre côté de la pause publicitaire et on va être avec Sarah Thibault. 89.1. Excitante et généreuse, la 22e saison de La Rotonde promet d'étonner par sa créativité et son audace. Avec plus de 200 artistes d'ici et d'ailleurs, La Rotonde diffusera un nombre record de 17 spectacles, incluant 6 créations, 3 productions de Québec et 3 programmes multiples. Pour ouvrir la saison d'automne en grand, Lina Cruz signe la création Triptyque Cryptique à la Maison pour la Danse, mettant en vedette 6 danseurs de Québec. La fin de l'année 2017 sera quant à elle triomphante, mettant en scène Louise Le Cavalier qui présentera 1000 batailles. Profitez de la formule d'abonnement qui vous offre jusqu'à 40% de rabais. Abonnez-vous à l'intégrale ou encore à la saison d'automne pour 6 spectacles et faites des économies de 60 à 200 dollars. larotonde.qc.ca. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Il est 18h01 et je suis en compagnie de Sarah Thibault. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Alors, j'avais envie de te recevoir pour qu'on discute, oui, de cette exposition présentée à Regard, mais aussi de celle qui s'est terminée à Espace Parenthèse vendredi dernier, donc Garden Party, parce que quand même, il y a des rapprochements, je pense, aussi entre ces deux présentations. Déjà là, ça te fait un automne assez occupé. Une rentrée chargée, là, ouais. Donc, puis c'est intéressant pour une jeune artiste aussi comme toi d'avoir cette double opportunité là également. Ça n'a pas été trop exigeant aussi de concevoir deux expositions en même temps? Hein? Ben en fait, l'exposition Espace Parenthèse était pas mal terminée quand j'ai appris que j'allais l'exposer. J'avais fait une demande à Première Ovation pour développer ce projet-là, donc j'avais travaillé là-dessus au cours du printemps, là. D'accord. Ben commençons pendant qu'on est déjà là-dessus. Commençons sur cette exposition-là, Garden Party, parce que on disait avec des ponts à faire là, mais c'était intéressant, moi, dans le fond, comment tu as travaillé avec cet espace-là, parce qu'on va le rappeler aux auditeurs, Espace Parenthèse, c'est quand même une galerie qui est à la jonction entre les corridors du Cégep Sainte-Foy et la bibliothèque du Cégep. Donc, un lieu de passage, et je pense que tu as joué avec cette idée-là de lieu de passage où les gens se dirigent vers la bibliothèque, mais n'ont pas le choix de passer au travers de la salle d'exposition avant d'y arriver. Donc, tu as placé de chaque côté des objets de ton cru, en quelque sorte, ici. Donc, parle-nous un petit peu là, de comment tu as abordé cet espace-là. Oui, c'est ça. Donc, je voulais réellement travailler avec la caractéristique de passage qui est propre à la galerie Espace Parenthèse. Dans ce cas-ci, mon installation est un peu comme une pièce de maison dans la dimension, tout comme dans les éléments qui nous rappellent des éléments du décor intérieur ou des arts décoratifs. Donc, je voulais réellement que les... Parce que c'est une galerie qui est... Les usagers sont beaucoup des étudiants, là. Mm-hmm. On est au cœur du cégep Sainte-Foy, là, puis il en passe du monde. Dans ce corridor, j'ai pu entrevoir ça pendant le montage. Donc, je voulais que les gens passent à travers cette pièce, là, qui mm-hmm. est entre intimité et ostentation. Donc, ça va à la fois attirer le regard et brusquer un peu, parce qu'on entre réellement à l'intérieur de l'installation. Mm-hmm. Donc, on est au cœur de l'installation, on est un peu confronté à cette installation-là parce qu'elle occupe le lieu de passage. Oui, puis ce qui est intéressant, puis tu le soulignes bien, il y a ce rapport à l'intérieur et l'extérieur qu'on retrouve tout autant aussi dans l'exposition à regard. Ça m'a vraiment frappé, ça, ce jeu, parce que oui, c'est des éléments fragmentaires, il faut le dire. Hein? Ouais. C'est ici de la pièce, là, on n'a pas une pièce construite au complet, mais comme si on avait découpé des bouts de mur et qu'on les avait disposés, mais notre esprit se fait une idée quand même de l'entièreté, de la taille aussi, par la manière où tu l'as placé également. Donc, il y a ce rapport, oui, intérieur, domestique, mais aussi extérieur de par le banc de parc hein, qui fait face à cet intérieur-là et qui a une fontaine aussi à l'intérieur. Fait qu'il y a ce rapport intérieur-extérieur que j'aimerais que tu nous parles un peu dans ce travail-là. Oui, bien, comme introduction, je dirais que le rapport intérieur-extérieur dans mon travail est réellement apparu quand je me suis davantage questionnée sur un slogan féministe qui veut que le personnel soit politique. Donc, à ce moment-là, j'ai voulu sortir le domestique, mais aussi rentrer le public, mm-hmm. donc flouter la limite entre le privé et le public. Dans l'installation espace parenthèse, les murs comme de la pièce là, mm-hmm. dont je parlais tantôt sont des silhouettes de buissons, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a des papiers peints floraux qui les recouvrent. Donc là, je fais encore un petit clin d'œil à l'environnement extérieur en utilisant le floral. Il y a la fontaine qui est mi-meuble, mi-fontaine. J'ai réutilisé des éléments du meuble, des pattes de meuble, des poignées de commode, des ornements... muraux que j'ai intégrés à une forme schématisée, disons, d'une fontaine. Mm-hmm, exact. Et le banc public. Donc, il y a aussi des tapis là, qui viennent comme signifier le gazon. Tu sais, c'est exactement, vraiment, c'est ça. Il y a ce jeu de renversement de l'espace et que c'est comme tu le dis, qui vient créer un certain flou par rapport à notre présence dans ce lieu un peu étrange où on ne sait pas trop où on va aller. Il y a quelque chose aussi, je trouve, du merveilleux. Oui. Hein? En quelque sorte, comme d'un Alice au pays des merveilles où tout l'univers est chamboulé un petit peu, là, malgré que les codes restent là aussi. Les codes de ces espaces-là sont là, mais ils sont renversés, en quelque sorte, transformés pour nous déstabiliser, j'imagine, peut-être? Oui. Puis dans le cas d'espace parenthèse, c'est vraiment plus un environnement intérieur qui est peuplé de symboles extérieurs, je dirais. Mm-hmm. Mais dans le cas de regard, de l'exposition en regard, c'est l'inverse. C'est vraiment plus un environnement extérieur qui a été créé, mais qui a été créé à partir d'éléments du décor intérieur. Donc, je travaille encore là le flou, l'intérieur, l'extérieur, mais de manière différente dans les deux installations. Oui, ben justement, sautons vers cette œuvre présentée, cette exposition à regard qui s'appelle « En bourgeoisie, le paysage ». Le sauvage. Le sauvage, excuse-moi, le paysage, mon Dieu, on est dans le paysage, justement. J'ai trouvé cette installation-là quand même riche aussi en symboles par rapport aussi, il y a une histoire, il faut le dire aux auditeurs, il y a une histoire derrière tout ça. Suite à une visite des Jardins de Versailles. Je pense que c'est parti un peu l'idée de ce projet-là. Oui, j'ai visité les Jardins de Versailles. J'étais pas préparée, je crois, à rencontrer cette espèce d'ostentation assumée, pleinement mm-hmm. assumée. Donc, on est dans un environnement extérieur qui est immense et qui a été tellement contrôlé par l'homme, par l'humain, qu'on a l'impression d'être à l'intérieur. Donc, on a l'impression d'être dans un salon prêt à recevoir ou, T'sais, il y a quelque chose de la réception dans les bosquets de Versailles, donc le sentiment ambivalent entre le fait que ce soit magnifique, mm-hmm. que ce soit grandiose, et le ridicule qui est relié à cette mise en scène-là m'a beaucoup frappée. Et, ce sentiment ambigu-là, j'ai voulu le travailler, disons, dans l'installation là, que je présente à regard. Oui, parce que c'est le propre aussi des jardins français, tout ce contrôle là, sur la nature, ouais. cette géométrie qu'on veut donner aussi à l'espace, ces points de vue déjà, ces perspectives aussi, la façon comment les bosquets sont taillés là, au millimètre, aux cheveux près, là, presque. Il y a effectivement quelque chose d'assez fou, et il y a dans l'idée aussi, je pense que ça se traduit aussi, tout ça, cet aspect-là, au travers de la surabondance du motif aussi dans l'installation que tu y présentes, le côté clinquant, les dorures, elles sont toujours présentes dans ton travail, malgré tout, bon, un peu témoin de ton passé de joaillière, si je peux dire aussi, mais il reste que je pense que ce ridicule-là, cette absurdité-là, ce reflète aussi au travers de ces éléments-là. Il y a le kitsch qui est aussi très, oui. très affirmé dans ton travail. Il y a également l'exagération des éléments ostentatoires, là, comme ça. Puis dans ce cas-ci, j'ai voulu représenter des feuillages, des fleurs, mais à partir de motifs. Des pochoirs. Près du papier peint, oui, qui sont construits au pochoir cette fois-ci, mais près du papier peint ou encore de la tapisserie, de la moquette. Des motifs qui sont utilisés à l'intérieur. Là. Mm-hmm. Et puis, ce qui est particulier, parce qu'autant chez à Espace Parenthèse que chez Regard, c'est ces constructions-là, ces bosquets ou ces structures-là que tu fais ont quelque chose, oui, on a parlé de théâtral, mais dans la construction même, font référence au décor de théâtre, parce que derrière, on découvre la structure très bancale, de genre de 2x4 qui tiennent les décors, en quelque sorte, ouais. aussi, qui sont là. Pourquoi laisser visible, justement, pour qu'on comprenne l'aspect construit de ce paysage-là? Est-ce que c'est pour faire un pont aussi avec le côté très, très planifié, j'imagine, des jardins de Versailles? Ouais. Oui, c'est tout ça. Et c'est aussi un désir de mettre à nu les stratégies de présentation du pouvoir, oui. De mettre à nu les stratégies que je réutilise dans mes installations. Donc, on est réellement confronté à deux types d'expériences différentes, tout comme celle que j'ai vécue quand j'étais au Jardin de Versailles. Exact. Et ce qui est bien aussi avec Regard, c'est la façon comment l'espace est présenté en L. Ça nous amène à pas voir tout de suite aussi l'espèce de finale, si je peux dire, ici. Et c'est finalement un grand totem doré, un monolithe qui est là dans l'espace. Il y a quelque chose du sanctuaire, du rituel, mais en même temps, quand on pense Versailles et qu'on voit aussi ce soleil au mur, bon, on ne peut pas passer à côté du clin d'œil au roi soleil, à Louis XIV, là, bien sûr, qui est là. Puis il y a aussi ces éléments dans les tapis, encore une fois, qui reviennent. On a des petits motifs qui se présentent là, qui pourraient être à la fois des fleurs, mais moi, quand j'ai tout de suite le rapport, j'y ai vu des sujets autour ce grand, tu sais, ce grand homme qui était le roi soleil et qui est ici, autour de ce monolithe. Il y a quelque chose, là, en tout cas, de la métaphore visuelle, certainement, dans ce dernier espace qu'il faut aller jusqu'au bout, bien sûr. Oui, et dans ce cas-ci, le monolithe, justement, je l'ai réutilisé comme symbole sacralisé dans les sociétés patriarcales. Donc, tu parlais de Louis XIV, c'en est un bon exemple. Donc, en lui donnant des éléments ostentatoires, mais en exagérant l'ostentation, avec le soleil encore qui fait référence au sacré, qui fait référence au pouvoir, le doré, les fleurs, on est comme près du religieux, mais du politique aussi, de la maison, mais tu sais, tout ça se mélange, là, mais... Oui, encore une fois, le flou, la ligne est pas droite, là. Ouais, On sent que tout ça se croise, se mêle. Et il y a beaucoup aussi, je trouve, dans dans cette approche-là, il y a le rapport à l'artificiel versus le naturel aussi. Dans les matériaux que tu utilises pour qu'on pense, oui, les fleurs, elles sont là, mais il n'y a aucune fleur naturelle. Elles sont soit des fausses fleurs en tissu, elles sont soit en peinte avec un pochoir, ça pourrait être ces petits motifs construits là, dans les tapis qui se lèvent. Il y a ça aussi, ce rapport au naturel et à l'artificiel. Là. On est dans la dichotomie constamment, là, je pense, dans ces œuvres-là. Ces matériaux-là, en plus, nous ramènent, encore une fois, c'est des matériaux qui sont près du décor, du costume et du théâtre. Donc, les sculptures sont en papier mâché, tout ça. Donc, ça nous ramène encore une fois à quelque chose de construit, là. Oui, exact. Et également aussi, il y a je voulais aborder avec toi cet aspect, on en a glissé un petit mot, mais la partie versus le tout. Parce que tu nous montres, oui, des sections d'éléments, mais quand même, on est capable de se faire l'idée complète aussi de cet espace, de ce lieu. Parle-moi un petit peu plus cette volonté de montrer juste un élément au travers de l'ensemble, finalement. Oui, bien en fait, l'exposition en regard, elle a été construite spécialement pour la galerie. Mm-hmm. Donc, ça m'a permis de travailler avec les différents espaces de la galerie, les caractéristiques de la galerie. Donc, j'ai pu adapter une scénographie spécifiquement pour cet espace-là. Donc, de là, le parcours qui nous amène d'un point A à un point B, qui sont la sculpture au sol à l'entrée et le monolithe à la fin du L là, de la salle d'exposition. Donc, cette scénographie-là invite à un parcours précis qui nous fait découvrir différents paysages, tu sais, comme on parlait tantôt. Donc, c'est réellement des scènes qui nous sont offertes. Donc ça, c'est réellement parce que j'ai pu travailler directement avec la galerie que ça m'a permis là, de trouver quelque chose de riche là-dedans, dans la roseraie, le corridor de rosier, qui est comme un lieu de passage, mais qui en même temps fait partie intégrante de ce jardin-là. Exact. Un peu à l'instar de Versailles, où justement notre parcours est dirigé et planifié, où on nous amène à avoir ces perspectives. Puis surtout quand on arrive à la fin, je veux dire, c'est quand même magnifique l'ensemble. Puis après ça, on peut entrer à l'intérieur de ce décor, de cette scénographie pour apprécier les détails plus spécifiques. Mais je veux dire, on se retrouve véritablement devant une scène de théâtre là, quand on arrive comme ça. À la fin, c'est intéressant comment tout ça se construit aussi de fil en aiguille quand on avance, plus on avance dans l'exposition. Là. C'est comme si notre expérience se modifiait. On passe de spectateur à acteur, à être à l'arrière dans les coulisses. Donc, selon nos déplacements, là, les points de vue différents, puis les éléments, selon leur disposition, vont nous faire vivre différentes expériences. Oui. Peut-être pour conclure, savoir, parce que quand même, toi, tu as une formation en sculpture du côté des métiers d'art et une formation aussi en joaillerie. Tu as quand même une approche qui est peut-être plus proche des arts visuels que de ce qu'on s'attend des métiers d'art aussi. Je serais curieuse que tu nous en parles un petit peu plus, comme pourquoi aller vers ça. Je me rappelle avoir lu dans l'article du Soleil cette fin de semaine où tu disais, dans un de mes cours de joaillerie, il fallait prendre un objet, le couvrir d'un métaux précieux, puis je suis allée chercher une roche dehors. T'sais. Quand même, il y a une approche assez proche, c'est ça, plutôt de la démarche en art visuel, je trouve, dans ton travail. Oui, bien, je travaille clairement en art visuel. Mais mes parcours m'ont influencé de manière différente. Puis de toute façon, disons, la joaillerie est, selon moi, si on parle du bijou contemporain, est un médium des arts visuels. Exact. Tout comme la peinture, tout comme la sculpture. Donc, mon parcours m'a outillé et m'a influencé, surtout dans le cas de la joaillerie, là, parce que ça a vraiment été mon entrée vers le symbole d'art décoratif. Donc, moi, je considère que j'ai eu des outils de ces deux formations-là, mais que j'ai toujours travaillé en art visuel, puis que ça s'est déployé de manière différente là, selon les projets, puis l'endroit où j'en étais aussi, là, ma démarche était rendue à quel endroit, etc. Là. OK. Ben, c'est très intéressant parce qu'effectivement, l'an dernier, on avait reçu un collectif d'artistes qui avait présenté au 30e anniversaire de l'École de joaillerie. Puis ça avait été intéressant de voir ça, comment finalement le bijou contemporain peut être finalement plus un bijou qui est portable, mais plutôt se déployer dans le concept aussi. Puis je trouve ça toujours intéressant justement qu'on ne se reste pas campé dans des choses plus spécifiques, mais qu'on puisse faire éclater les frontières entre tous ces médiums-là, justement. C'est que ces médiums-là vont nous offrir des caractéristiques qui sont il y a des questionnements qui sont propres à ces médiums-là, donc ça nous permet d'aller dans différentes directions. Quand je parle de l'ostentation qui croise l'intime dans mon travail, ça vient beaucoup du bijou, ça, ma conception. Que j'ai ensuite transposé sur une œuvre d'art, mais de l'intime qui croise l'ostentatoire. Tu sais. Eh bien, Sarah Thibault, merci beaucoup. Vraiment, merci une discussion très, ma foi, très enrichissante. Et puis, on invite le public à aller voir cette exposition à regard qui est jusqu'au 22 octobre en Bourgeoisie le Sauvage. Et sinon, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir à Espace Parenthèse, il y a quand même sur la page Facebook de Espace Parenthèse, vous pouvez aller voir deux petites images qui vont quand même vous donner un bon aperçu. Mais sinon, je pense aussi sur ton site web également, il y a une vue d'ensemble plus du projet également. Il y a des photos d'installation, mais pas à Espace Parenthèse. C'est ça, mais quand même, ça va permettre d'apprécier le travail Garden Party quand même dans le projet initial. Alors, Sarah Thibault, merci beaucoup et bonne continuation aussi. Merci. Alors, nous, on fait une courte pause audio et on revient avec l'agenda de la semaine. Alors, on y va avec l'agenda de la semaine, donc ces événements à ne pas manquer cette semaine. Je vous disais, c'est assez rempli. Donc, ce mercredi, il y a une table ronde « Que voyez-vous dans la perte? » C'est pour réfléchir à la notion de perte en résonance avec les expositions qui sont en cours à vue photo et notre propre expérience, bien sûr, aussi de cette notion de perte. C'est la dégradation de l'image, la mort, la désuétude de certaines pratiques, la perte annonce-t-elle la fin ou est-elle un passage? C'est une table ronde qui sera animée par l'artiste et commissaire Hélène Matt, qui est également l'auteur du texte qui accompagne les expositions de la rentrée chez VU. Et elle sera accompagnée donc des artistes Moya Jobin-Paré ainsi que Annie Saint-Jean, qui participe quant à elle à l'exposition Adieu la photographie que Hélène Matt a commissariée à la maison Amel Bruno, qui est présentée actuellement là, à la maison Amel Bruno jusqu'au 17 décembre, et elles vont venir partager leur démarche et échanger avec le public. Donc, c'est ce mercredi à 17h chez VU. C'est gratuit, bien sûr, et ouvert à tous. Ce jeudi, ouverture de Michel Riopel, un couple dans la démesure dont on a parlé un peu plus tôt avec Julien Saint-Georges Tremblay au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Sinon, il y a également en formule 5 à 7 la présentation de la résidence de l'artiste catalan Kélic Berga, qui est à la Chambre Blanche. Le public, donc, est amené à une visite des espaces d'exposition en présence de l'artiste qui sera là. Ensuite, gros vendredi, attelez-vous, il y a le lieu et la revue Inter, donc, qui présente trois événements ce vendredi. Un à 11h à l'École des arts visuels. C'est une table ronde avec Michael Lachance et Pascal Bédard. C'est au local de Critique 3153 et c'est autour notamment des nouvelles fables de Fountain de 1917-2017. Alors, ça va vraiment valoir la peine. Vous pouvez trouver tous les détails de cette table ronde sur le site du lieu et de Inter. Sinon, également, il va y avoir lancement de la nouvelle revue, le volet 2 de Risques et dérapages, ainsi que l'ouvrage Les nouvelles fables de Fountain, donc autour de Marcel Duchamp, le 100e anniversaire de la fameuse fontaine de Marcel Duchamp. C'est à 17h au lieu, cette fois-ci, vendredi. Et également, vernissage de nouveaux développements de Sébastien Cliche, une exposition donc dans l'espace d'exposition du lieu, et c'est à compter de 19h qu'on va pouvoir faire ça. Sinon, c'est à 17h vernissage d'Evelyne Boulevard à la Certe Art Contemporain. Sinon, on a aussi 17h30 Piscine Infinie de Graham Patterson à la Galerie 3, 20h30 Ciné-concert à l'œil de poisson, deux courts-métrages de Martin Bureau suivis d'une projection performance de l'artiste belge François Martigues. Et c'est en extension à l'exposition Achromatopsie. Et à partir de lundi, exposition thématique célébrant les 50 ans du cégep Sainte-Foy à Espace Parenthèse. N'oubliez pas d'aller voir jusqu'à dimanche, donc, Trauma de John von Kuberta et Espace périphérique de Katia Gosselin chez Vue Photo. Et c'est la dernière fin de semaine, dernière semaine également pour les passages insolites dans le Vieux-Québec. Et voilà, c'est ainsi qu'on achève cette émission de l'aérospatiale. Un grand merci à mes collaborateurs Anne-Sophie Homer et Julien Saint-Georges Tremblay, de même qu'à mon invité Sarah Thibault. La mise en onde est toujours assurée par Jacques Gignac, le Osias, le duc de la console. Salutations à Jean-Tien de la France qui nous écoute en direct de Matane. La semaine prochaine, Lauriane Thibaudeau nous présente le travail de Joséphine Viau, une artiste en résidence à la Maison des métiers d'art de Québec. Et demeurez à l'écoute, car de l'autre côté, c'est Pierre Blais et son équipe qui vous attendent en direct de la Ninkasi pour l'émission Situation critique. Et quant à nous, je vous dis à mardi prochain, 17h30. Bonne semaine! Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Le 21 octobre à l'Impérial Bell, entrez dans l'univers de Philippe B. Une maison qui s'endort et un garçon qui s'enfuit. Son cœur éclate sans faire de bruit. Pilier de la musique d'auteur, Philippe B. propose des chansons riches et uniques. Un mélange de folk aux sonorités ambiantes intrigantes et une soirée mémorable. Pourquoi tu fermes les yeux? Bien en vente à imperialbell.com. Quand tu me dis que tu m'aimes. Une présentation de 3E en collaboration avec CKRL. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Le quartier de Lune, une seule place, deux ambiances. Piste de danse, spectacle le week-end. Cette semaine, le quartier de Lune fête son premier anniversaire à Limoilou. En concert, Les Respectables, le 13, et Undercover avec invité surprise, le 14. Karaoké, billard gratuit, 5 à 7, les plaisirs doublés dès 20h tous les soirs. Le quartier de Lune, 3e avenue, Limoilou. Réserve pour tes parties, 418-523-4011. Devenez notre ami sur Facebook. OK, vas-y.